The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Guy. Le gars. Girlfriend. La petite amie. To have just. Venir de. Text message. Le texto. Gift. Le cadeau. Downstairs. En bas. Nobody. Personne. Birthday. L'anniversaire. Now, a bit faster. To have just. Venir de. Nobody. Personne. Gift. Le cadeau. Nobody. Personne. To have just. Venir de. Text message. Le texto. Girlfriend. La petite amie. Text message. Le texto. Guy. Le gars. Nobody. Personne. Guy. Le gars. Text message. Le texto. Nobody. Personne. Guy. Le gars. Text message. Le texto. Birthday. L'anniversaire. Now, use the words in context. La petite amie. His girlfriend is very nice. Sa petite amie est vraiment gentille. Le texto. I sent you a text this morning. Je t'ai envoyé un texto ce matin. Venir de. He just sent me a message. Il vient de m'envoyer un message. En bas. I'm downstairs from your house. Je suis en bas de chez toi. Personne. Nobody likes you. Personne ne t'aime. La petite amie. His girlfriend is very nice. Sa petite amie est vraiment gentille. Venir de. He just sent me a message. Il vient de m'envoyer un message.